Alors nous sommes un accueil de jour pour personnes sans revenus ou sans domicile. 60 à 80% de notre public sont hors logement, hors hébergement, hors couverture sociale, médicale et sans revenus. Alors c'est pas le premier forum, hein. Ça fait longtemps qu'on travaille cette notion de non-recours, donc pour nous c'est une avancée. Ça veut dire que la ville s'en préoccupe, qu'elle veut interpeller les institutions, qu'elle veut amener à elle les personnes sensibles à la dimension du non-recours, qui n'est quand même pas une évidence. Hein. Avec un peu de chance, on aura des fonctionnaires de la ville, que sais-je, des travailleurs sociaux, des personnes qui viennent prendre contact avec cette dynamique-là. Globalement, en deux mots, on assiste en permanence à une espèce de lutte entre des géants institutionnels et des lilliputiens privés, isolés, voire apeurés. Pour moi, c'est essentiel de partir du témoignage des gens, à condition d'en formuler les demandes de manière à ce qu'elles soient entendues, suivies jusqu'à la fin, ce qui n'est pas une évidence du tout, quoi. Alors, le travail collectif amène à terme ce genre de solution, mais c'est un parcours du combattant qu'on pourrait leur éviter tout en conservant le bénéfice de ces collectifs et de ces réunions à thème et à projet. Je dirais qu'ils devraient être accompagnés d'une équipe de travailleurs sociaux un peu déterminés pour aller jusqu'au bout. Ça demande de l'investissement et ça demande quelque chose de l'ordre de la foi du charbonnier, parce qu'on a toujours tendance à croire que les ayants droit qui refusent d'y accéder, c'est de leur faute. Ils sont vieux, ils sont un peu fous, ils sont un peu déficients, ils ne parlent pas bien, ils ne parlent pas bien le français, ils n'ont pas demandé à temps. Dernièrement, une personne s'est vue refuser un travailleur social au rendez-vous. Lui, dans sa tête, c'était pour obtenir un travailleur social. Mais il n'a pas formulé la demande. On lui a dit maintenant, il faut dire, je voudrais une assistante sociale. Sinon, pas d'assistante sociale. Mais ce mec n'a rien. Et il le montre, ça. Mais il a montré qu'il n'avait rien, mais il n'a pas demandé une prise en charge. Donc il ne l'a pas eu. C'est en ce sens que j'ai dit qu'il faut une équipe déterminée à soutenir les personnes avec une volonté vraiment politique affirmée de soutenir chaque ayant droit en tant que tel, sans discrimination, sans condition. Voilà, c'est un peu la foi du charbonnier.